Madiba Madi. Madiba Madi. Gravé dans nos mémoires, tes prières sur la pierre. Même entravé de fer, pas de blanc, pas de noir. Ta couleur, c'est l'espoir. Ta couleur, c'est l'espoir. Tes idées, ton drapeau, tatoué sur tes os. Un seul homme libéré, et tous les hommes sont libres. Un seul homme libéré, et tous les hommes sont libres. Sans libre.